Chapitre 18e. Mademoiselle de B profitait beaucoup, même pour ce qui est du physique, au traitement de Georges. Le cou, jusque-là négligent et paresseux, commençait à porter la tête. La taille se redressait. Les yeux, autrefois sans regard, jetaient maintenant un feu qui allait à l'âme. Pulchérie était décidément tout à fait belle. Sa figure, autrefois morne et toujours la même, se multipliait maintenant de mille façons diverses et charmantes, comme par miracle. La pensée était venue poétiser et compléter la forme en l'animant. Ce n'étaient plus ces lignes froides et immobiles dont rien ne dérangeait la monotone régularité. Ce n'était plus cet air distrait et étonné qui fatiguait à voir. Le visage de Pulchérie parcourait maintenant toutes les notes de cette gamme infinie qu'on nomme le sentiment. Quelque chose de suave et d'ineffable, qu'on imagine à peine aux anges, distinguait cette créature pleine de grâce, qui n'était pour ainsi dire pas venue à la vie par les voies ordinaires. Dès que la parole put se débarrasser chez elle, durant l'état de veille, des derniers liens qui la retenaient captive, Pulchérie demanda Georges. De retour au château, le jeune docteur commença l'éducation de son élève. Cette éducation fut prompte et facile. Pulchérie devinait en quelque sorte la science de Fritz. Celui-ci était son livre, elle l'étudiait par cœur. Georges apprit à Pulchérie le nom des fleurs, des oiseaux et des étoiles. Il lui raconta ainsi toute la création. Elle l'écoutait comme une créature nouvelle qui sort ignorante et curieuse des ombres du néant. Le maître et l'élève se plaisaient à ces aventureuses promenades à travers les champs. Ils restaient souvent abîmés tous les deux dans de vastes spectacles. La grande mélancolie du silence et de la solitude emplissait leur âme d'une tristesse religieuse. Prenant au bois leurs rêveries, aux fontaines leurs plaintes éternelles, aux horizons leur immensité, à la nature son inspiration infinie vers le ciel, ils vivaient ensemble dans tout l'univers. La nature du Berry, inculte et à demi sauvage, offrait quelques ressemblances avec celle du monde primitif, que nous avons le tort de nous représenter comme un paradis terrestre et un jardin délicieux, tandis que c'était sans doute une nature brute, encore enveloppée dans les ombres et les aspérités de l'enfance. Une relation singulière existait entre Pulchérie et le pays qu'elle habitait. Tous les deux offraient le spectacle d'une création vierge sortant peu à peu du repos et de l'état sauvage. Autour de la jeune châtelaine, la terre du Berry développait les signes d'une culture naissante. L'industrie agitait dans ce chaos les éléments d'une prospérité rurale qui tend chaque jour à s'accroître. De petites rivières ouvrières et laborieuses commençaient à prêter leur onde, jusque-là indolente, aux moulins, aux forges et aux usines. Ce martèlement régulier des machines remplissait l'air d'un bruit monotone qui imitait les pas lents et lourds de la civilisation. Unie, en quelque sorte, à cette nature en voie de progrès et de travail, Pulchérie se développait avec elle. Les sensations toutes nouvelles de Pulchérie étaient pleines d'admiration et de surprise. Elle s'étonnait du jour et de la nuit, des étoiles et du soleil, de la plante muette et de l'oiseau babillard. Toute la création la plongeait dans des recueillements infinis. La voix de Georges lui expliquait les causes des phénomènes naturels et ouvrait de plus en plus l'intelligence de Pulchérie aux choses de Dieu. Il joignit au grand livre de la nature d'autres ouvrages de poètes allemands ou français qu'elle ne tarda point à lire et à comprendre. Fritz lui interprétait les passages obscurs, non sans rougir quand par hasard il y était parlé d'amour. Comme Georges était musicien, il donna à la voix de Pulchérie, pauvre fauvette captive dans son gosier obscur, la clé des champs. La belle prisonnière se prit alors à chanter avec justesse et avec une grâce parfaite. L'éducation de Mademoiselle de B ressemblait fort à une révélation. Elle devinait dans Georges la raison des choses. Elle n'apprenait que de sa bouche et lisait dans sa pensée. Aussi fit-elle de rapides progrès par les leçons de ce maître qui se communiquait tout entier à elle.